L'empereur pharaon a endossé son métamasque pour nager dans une piscine de liquidité et atteindre son ATH. L'ogre, le personnage grossier, dans la finance décentralisée et les mouvements haussiers. Si chacal, que de la frappe dans le son calme. Dans le cibar, j'finis le travail, que du rap sale, pas de son calme. Mauvais son gars, attaque frontale, Shao Kahn dans Mortal Kombat. Évite mon regard, j'vais au bon char, que de la frappe dans le mont charge. Dans le bâtiment, bibi de lacé. J'commence maintenant, j'finis après. Dehors y'a des milices armées, vitrines cassées, civils gazés, ça envoie des missiles chargés. Je visite l'arrêt de ces vieillasses frigides glacées, toujours pute comme Brigitte Lahaie. Chaque soir je vois de la zyprine salée. Pas le temps de me reposer, la caméra pesée et mes lacets resserrés. Tu connais ma renommée, l'empereur le rebeufferait sur le crâne, j'ai mis le béret. La drogue va me libérer, l'empereur c'est moi le bourreau. Les plans sont élaborés dans le laboratoire ou bien le bureau. Toutes ces putes je vais les barrer, allez-y me remercier. Bourgeois comme Valérie Le Mercier, à Évry Le Merdier. Continue mais je reste là tant que ça évite de percher. J'pars au charbon avec une équipe robuste. J'mélange le chaudron comme un scientifique occulte. Suce ma bite tordue, j'vois que des démons biscornus. Le poison s'inocule, prolongation tire au but. Des kilos d'Espagne, des couteaux, des sabres, j'vais dégommer ça. J'suis méconnaissable, mec, c'est le côté sale, tous mes collègues savent. Espèce d'enfantin, j'crache pas mon fanta sur ta fente, mais sur ton fond de teint. J'vais te feinter, bouffe ma plantain. J'effectue des transactions cryptographiques pour diffuser mes nouvelles œuvres discographiques, rap autobiographique. Les nombreux kilos de trafic, faut que j'm'arrête avant que tout ce merdier vire au tragique. Paye-moi sur la Binance Smart Chain. Après j'file en Sardaigne, j'm'injecte du liquide dans chaque veine. Paye-moi en Ethereum pour que cet été j'décolle. Ça m'évitera d'enterrer le corps. J'suis un goujat, tourne à gauche là. J'baisse des geishas et des gueules là. À la gueule sale, plein de punchlines dans le que ça. Paye-moi en BTC dans mon wallet. Ils peuvent clécher mes noisettes, j'vais les baiser dans les toilettes. J'pars au charbon avec une équipe robuste. J'mélange le chaudron comme un scientifique occulte. Suce ma bite tordue, j'vois que des démons biscornus. Le poison s'inocule, prolongation tire au but. J'pars au charbon avec une équipe robuste. J'mélange le chaudron comme un scientifique occulte. Suce ma bite tordue, j'vois que des démons biscornus. Le poison s'inocule, prolongation tire au but. Crypto-but.